Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici tout de suite les titres. Le 21 septembre chaque année, le monde célèbre la journée de la paix. Le parti Sawanya Frodebou regrette que quelques faits, comme les cas de disparition et le détournement des fonds publics, handicapent toujours la paix au Burundi. La route Kibenga reliant les communes Gitaramuka et Buhiga de la province Karusi est impraticable suite à des petits ponts près du pont principal Kibenga non réhabilité qui bloque la circulation. Et en province Kayanza, on parlera de ce départ de 40 enseignants de la province scolaire de Kayanza au pays voisin pour chercher du travail. La cause étant un maigre salaire entraînant un surendettement. Ces derniers ont démissionné au cours de l'année 2023-2024. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Doré Bingabi, je suis à la présentation. Alphonse Koubguimana assure la mise en onde. Le parti Sawanya Frodebou apprécie le pas déjà franchi en matière de la consolidation de la paix au Burundi. Cependant, le vice-président de ce parti, Phénias Niyigaba, regrette que l'existence des groupes armés, des cas de disparition et de détournement des fonds publics demeurent des défis qui handicapent la paix. Il le dit au moment où le 21 septembre chaque année, le monde célèbre la journée de la paix. On peut dire que par rapport aux années antérieures, on a fait un pas en ce qui concerne la paix, mais on ne peut pas dire que ça va à 100% parce que nous voyons des groupes armés qui viennent perturber la paix ici au Burundi en tuant des gens. Nous voyons des bandits qui viennent tuer des gens pour voler leurs biens. Nous voyons des gens qui sont, je dirais, portés disparus. Tout ça, ce sont les éléments qui perturbent cette paix. En plus, les personnes qui dilapident les biens de l'État, parce que si ces personnes-là continuent à dilapider ces biens, ça va enfoncer le pays dans une pauvreté et on ne peut pas parler de la paix lorsque les gens sont pauvres. Alors nous voyons que pour que la paix puisse, disons, et se stabiliser ici au Burundi, il faut voir comment trouver des solutions à ces défis que nous venons de vous dire, surtout en prenant l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation comme référence. Il est vrai qu'il peut y avoir des éléments qui sont tombés acadiques, mais il y a d'autres éléments qui sont d'actualité. Pour le Frodebou, il faut voir comment évaluer cet accord d'Arusha pour voir les éléments qui sont d'actualité pour qu'on puisse continuer à maintenir ces éléments et les éléments qui ne sont plus d'actualité, les rayer de cet accord. Plus de 40 enseignants qui étaient affichés dans la province scolaire de Kayanza ont démissionné au cours de l'année scolaire 2023-2024 et partis dans les pays voisins pour y chercher du travail. Ces chiffres sont donnés par le directeur provincial de l'éducation à Kayanza. Juvenal Mbonihanguye indique que la cause principale est le surendettement chez certains. Dikoumana Tarsis, représentant du syndicat des enseignants qu'on appelle ça à Kayanza, demande au gouvernement la mise en place d'une politique visant à doter des enseignants des maisons d'habitation pour alléger cette situation de surendettement. Patrick Nzengiyumba. Certains des enseignants de la province Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait savoir que l'insuffisance du salaire mensuel qui ne permet pas à l'enseignant de joindre les deux bouts du mois en satisfaisant les besoins fondamentaux de tous les jours de sa famille et la montée exponentielle des prix des denrées de première nécessité font que les enseignants se retrouvent dans une situation de surendettement et par conséquent démissionnent de leur métier d'enseignement. Ces enseignants indiquent que beaucoup des enseignants qui démissionnent se rendent dans les pays limitrophes du Burundi à la recherche d'une nouvelle vie qui serait meilleure que celle qui menait au Burundi en tant qu'enseignant. Les enseignants à 15 ans encore au service de l'État demandent à l'État la majoration du salaire mensuel conformément à la situation qui prévaut au marché avec les prix des produits de première nécessité. Même son de cloche chez Tarsis Nduwimana, représentant provincial à Kayanza du Conseil national du personnel de l'enseignement secondaire qu'on appelle ainsi. Son syndicaliste à Kayanza demandait au gouvernement burundais de mettre en place une politique et de doter des maisons d'habitation à ses fonctionnaires, organes que beaucoup sont sur endettés à la recherche d'une maison d'habitation dans la famille. Juvenal Mbonihangui, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, appelle les enseignants prestant en cette province à la bonne gestion du salaire qu'ils perçoivent mensuellement et à entreprendre des activités génératrices de revenus à exercer après le service. Vous saurez que la direction provinciale de l'éducation à Kayanza se retrouve dans le besoin en enseignants de 862 enseignants pour cette année scolaire en cours. Depuis Kayanza, Patrick Nsengyu va pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Et deux écoliers blessés, les toitures de 10 salles de classe de l'école fondamentale Christ-Roi de Mouchacha et de l'école fondamentale Mouchacha 1 entièrement détruites, tel est le bilan des dégâts causés par une forte pluie mêlée de vents violents survenus l'après-midi de ce vendredi dans la ville de Gitega. Le directeur de l'école fondamentale Christ-Roi de Mouchacha, qui a été la plus touchée, demande à ses supérieurs hiérarchiques de tout faire pour que les cours reprennent le plus vite possible. Le chargé du bureau de l'éducation au sein du diocèse Gitega, auquel appartient l'école, promet d'emprunter des salles de classe aux écoles voisines en attendant la réhabilitation de celles endommagées. Gérard Nibigira. Le directeur de l'école fondamentale Christ-Roi de Mouchacha, assise dans la ville de Gitega, Jean-Claude Mbazumutima, présente les dégâts causés par la pluie mêlée de vent violent de l'après-midi de ce vendredi. L'incident en question est arrivé vers 15h. Les élèves étaient encore en classe. Et puis, nous avons eu des cas de blessés, des élèves. L'un aura amené au dispensaire de Mouseke. L'autre s'est enfui. On ne sait pas maintenant où il est. Combien de classes qui ont été détruites? 10 salles de classe dont la toiture a été emportée par le vent. Il indique qu'il a déjà donné le rapport à ses supérieurs hiérarchiques pour qu'ils fassent leur mieux afin que les cours reprennent le plus vite possible. Ce que nous avons fait d'urgence, on a d'abord informé nos supérieurs. Je pense qu'ils vont frapper ou toquer n'importe où juste pour que les élèves reviennent en classe et reprennent les cours. Si nos supérieurs vont faire ce qu'ils peuvent, je pense même si c'est pas lundi, mercredi, les cours peuvent reprendre. Le responsable administratif et pédagogique au bureau diocésain de l'éducation de l'archidiocèse de Gitega, Dieudonné Nzuhabonayo, dit que des salles de classe vont être empruntées pour que les activités de l'école endommagées reprennent. Ce que nous envisageons tout de suite, c'est de chercher d'autres salles de classe auprès des écoles voisines, comme le lycée Gitega, l'école Fomouchach à 2 et Manette Ferren. Nous allons aussi approcher la paroisse pour qu'elle nous prête les salles de classe, en attendant qu'effectivement l'école soit reconstruite. Sinon, réhabiliter, ce n'est plus possible parce que les murs sont déjà fissurés, les fenêtres cassées. En tout cas, il n'y a pas moyen de réhabiliter l'école, sauf reconstruire à nouveau. On avait déjà fait un projet pour reconstruire l'école. On a soumis déjà le projet au bailleur, mais malheureusement, ils n'ont pas encore répondu favorablement. Nous attendons que d'ici peu, ils vont nous répondre. Nous allons juste d'ailleurs leur montrer les photos de ces salles de classe, de cette école. Je pense qu'après avoir vu les photos, ils vont réagir favorablement. Vous saurez que la toiture d'une salle de classe de l'école fondamentale de Mouchacha 1, voisine à l'école fondamentale Christ-Roi de Mouchacha, a elle aussi été emportée par le vent. Les deux écoles ont été construites en 1944 et n'avaient pas encore connu de tels incidents. Depuis Gitega, Jani Bigira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard. Et en province Wulouli, ce sont les champs de culture de maïs et d'autres marais et d'autres démarrés de cinq collines parmi eux, Kibedi et Kivumu en commune Mugamba, qui ont été endommagés par une pluie diluvienne mêlée de grêle et de vents violents qui s'est abattue ce vendredi sur ces collines. La population victime demande une aide en vivres. L'administrateur de la commune Mugamba dit que la superficie des champs endommagés n'est pas jusqu'ici connue, mais le sera très prochainement. Venuste Naumbaye demande lui aussi aux bienfaiteurs de venir en aide aux victimes de ces intempéries. Zeno Nzambimane. Cette pluie diluvienne mêlée de grêle et de vent violent s'est abattue en commune Mugamba entre 11h30 et 13h de ce vendredi, selon les sources sur place. Les champs des cultures de maïs, de haricots, de patates douces, de pommes de terre, de légumes et d'autres dans les différents marais, ainsi que les bananeraies, ont été endommagés par cette pluie qui annonçait le début de la saison pluvieuse à Mugamba. Cinq collines, à savoir Kibedi, Kivumu, Mutobo, Dongeburasira, Mota et Tawa, ont été touchées par ces intempéries, selon les administratifs à la base. À part ces cultures qui ont été réduites en rameaux, les toitures d'une maison sur la colline Kivumu ont été également détruites, comme l'indique l'administrateur de la commune Mugamba. Les victimes de ces intempéries qui craignent déjà la famine demandent une aide en vivres. Venus Nhambaye, l'administrateur de cette commune, dit que la superficie des champs endommagés et les ménages touchés par ces intempéries seront bientôt connus. Cette autorité administrative lui aussi demande aux bienfaiteurs de venir en aide à la population sinistrée. Depuis Bururi, Zeno Nzabimana pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro en ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Vous pouvez également aller jeter un coup d'œil sur nos plateformes sociales. Sur Facebook, c'est Radio Isanganiro RTI et sur X, c'est RT Isanganiro. La route dite Kibenga, reliant les communes Gitaramuka et Buhiga de la province Karusi, est impraticable et surtout pour les véhicules des marchandises, malgré la réhabilitation du pont Kibenga sur la rivière Ndurumu par l'agence routière du Burundi il y a 5 mois. Au niveau de l'administration communale, l'on indique que le problème est lié au fait que 3 ponceaux qui sont près de ce pont principal n'ont pas été réhabilités et bloquent la circulation. Il faut en signaler qu'ils ont saisi le ministère en charge des infrastructures publiques pour demander que l'ARB puisse continuer les travaux et réhabiliter ses ponceaux. Blaise Pascal Kalaloumié nous en dit plus. Les lamentations de certains des habitants des communes Gitaramuka et Buhiga, toutes étant frontalières de la province Karusi, sont liées au fait que, après la réhabilitation du pont Kibenga, la route dite Kibenga, qui facilite leur circulation, n'est pas encore fréquentable comme il le faut, et surtout pour les véhicules des marchandises. C'est après plus de 5 mois que l'agence routière du Burundi, ARB, a terminé la construction du pont principal, pont Kibenga, sur la rivière Ndurumu, mais la route reste moins praticable suite à 3 ponceaux qui sont au même endroit à Kibenga, même devant le pont réhabilité par l'ARB, des ponceaux qui sont restés défectués et bloquant ainsi la circulation malgré la réhabilitation du pont principal. C'est au moment où ça faisait plus de 5 ans que la route était bloquée par la destruction de son pont. Les responsables de l'administration communale de Gitaramuka ont essayé, en collaboration avec la population, d'y mettre des troncs d'arbres et des planches, mais en vain, ne passant même à moi que ces planches sont coupées. Comme l'indique le conseiller technique chargé du développement de la commune Gitaramuka, la commune vient de demander secours au ministre ayant les infrastructures dans ses attributions pour que l'ARB, l'agence routière du Burundi, puisse continuer les travaux à ce même endroit de Kibenga et pouvoir réhabiliter ces ponceaux qui s'y trouvent. Et de là, la route pourrait redevenir praticable comme avant. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Et pour boucler cette édition, le Conseil des ministres tenu ce mercredi a approuvé la création du comité de crise intersectoriel chargé de lutte contre la contamination et la propagation de la variole de singe. Dans un extrait du compte rendu de ce conseil, ce comité comprend 7 ministres, le directeur du cabinet du service national de renseignement ainsi que l'inspecteur général de la police nationale. La motivation avancée étant la nécessité d'une réponse multisectorielle à certains défis qui se posent. Écoutez les précisions du secrétaire général de l'État, Jérôme Niyonzima. Depuis le 25 juillet 2024, le Burundi fait face à une épidémie de la variole du singe, Mpox en sigle en anglais. La maladie est disséminée partout dans le pays, car 34 districts sanitaires sur les 49 que compte le pays ont déjà enregistré au moins un cas positif. Sur un cumul de 564 cas rapportés, le district de Bujumbura Nord est le plus touché avec 245 cas. Les cas confirmés positifs sont pris en charge dans les centres de prise en charge rattachés aux hôpitaux. En date du 15 septembre 2024, 269 patients étaient déjà sortis de l'hôpital car guéris et 295 patients encore hospitalisés. Plusieurs activités techniques ont été réalisées par les services techniques du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Par l'appui au gouvernement dans la riposte au Mpox, certains partenaires sont déjà intervenus, tandis que d'autres ont déjà exprimé leurs promesses. Malgré les interventions, des défis persistent. Les uns pouvant être résolus avec l'équipe technique mise en place par le ministère ayant la santé dans ses attributions, d'autres nécessitent une réponse multisectorielle. Dans cette optique, il est proposé la création d'un comité de crise chargé de lutter contre la contamination et la propagation du virus de la variole du singe, Mpox en anglais. Le dit comité sera intersectoriel et comprendra le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, la ministre de la Solidarité nationale, des Droits de la personne humaine et du genre, le directeur de cabinet du Service national des renseignements, ainsi que l'inspecteur général de la police nationale du Burundi. Après analyse de la note, le Conseil des ministres a approuvé la création de ce comité intersectoriel et a recommandé de continuer la sensibilisation de la population pour qu'elle se protège davantage contre ce virus. Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille. Dore Bengabé, j'étais à la présentation. Alphonse Kougimana a assuré la mise en onde. Je vous laisse avec Jean Bosco Ndouimana. Il a lu la presse pour nous. Vue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Arrestation de 10 personnes en commune de Burambi pour leur rôle présumé dans des incendies criminels, rapporte Net Presse, qui souligne que des dossiers pénaux sont en train d'être confectionnés au niveau du commissariat communal de la police. Plus de 20 hectares de boisements de manioc et privés ont été détruits par des feux de brousse la semaine passée, selon des sources administratives dans cette commune, citées par ce quotidien en ligne, qui précise que ce sont surtout les boisements des collines de Gishiha, de Murara, de Gakonko, de Buyenzi et de Rutwenzi. Et Burundi Echo d'alerter qu'il s'agit d'un désastre écologique qui nous guette. En effet, constate ce journal, dans la plupart des cas, la piste d'incendie criminel est privilégiée. Ce phénomène qui prend de l'ampleur favorise l'érosion des sols et la désertification. Pourtant, rappelle son confrère, la forêt est un régulateur du climat et des saisons, expliquant qu'elle reste de véritables réservoirs de carbone, en stock plus que tout autre écosystème terrestre. D'où la nécessité d'agir pour décourager cette pratique si dangereuse. Pour cet hebdomadaire socio-économique, la population des zones les plus touchées par ce phénomène doit bénéficier des séances d'éducation et de sensibilisation sur le changement de comportement, ce qui peut réduire drastiquement le nombre d'incendies d'origine humaine, conclut Burundi Echo. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, et l'ambassadeur de Chine au Burundi, Zhao Jiangping, ont procédé ce jeudi 19 septembre 2024 à Bujumbura à la signature et échange de lettres pour le projet de construction à Gitega, la capitale politique du pays, d'un bâtiment du ministère en charge des Affaires étrangères, rapporte l'agence burundaise de presse. Le ministre Shingiro précise dans les colonnes de la BP qu'il s'agit d'un accord de don offert par la République populaire de Chine pour la construction d'un bâtiment moderne et large de 11 niveaux avec un garage souterrain. Il fait savoir, toujours dans les colonnes de ce quotidien, que ce projet de construction, dont le coût s'élève à près de 28 millions de dollars américains, peut être finalisé en 2027-2028, ajoutant que la Chine a promis de fournir tous les équipements nécessaires pour son bon fonctionnement. Revue de la presse. Les clubs scolaires, ces pépinières culturelles en voie d'extinction, s'indigne un blogueur du collectif Yaga, qui constate que ce cadre de rayonnement culturel pour les jeunes tente à disparaître. Pour ce blogueur, on dirait que les clubs considérés comme activités parascolaires ne figurent plus parmi les priorités des établissements scolaires. Peut-être quelques écoles, à régime d'internat ou sous convention des confessions religieuses, entretiennent la flamme. Pourtant, fait-il remarquer, Les jeunes ont besoin de découvrir leurs talents dès le plus jeune âge pour s'épanouir. Et nombreux parmi eux sont sur le banc de l'école. Et de conclure qu'il revient aux responsables d'école de mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre en place des clubs scolaires dans les établissements. Plus un talent est identifié tôt, plus il a de fortes chances de s'épanouir. Ceci est un clin d'œil aux responsables de l'éducation pour revaloriser ces couveuses de talents, martèle ce blogueur du collectif YAG. On termine cette revue de presse par cet hommage très mérité sous la plume du professeur Juvénal Ngorguanoubusa à son collègue d'université, le désormais feu Venab Amboneyeho, l'excellence faite homme, publié avec ses mots justes et poignants dans l'hebdomadaire Iwachu. Ce héros et héros du vivre ensemble nous a quittés le 19 septembre 2024. Malgré la souffrance, note le professeur Ngorguanoubusa, il est parti sans se plaindre, en toute ataraxie, une quiétude qui l'avait caractérisé pendant toute sa vie et qui ne manquera pas d'inspirer les bonnes volontés, reconnaît-il. Et parmi celles-là, Antoine Kaburahe, ancien étudiant de ces deux monuments et fondateur du groupe de presse Iwachu. Et faisons nôtre les propos de son confrère pour dire, je cite, « Le professeur Venab Amboneyeho restera pour nous, plus qu'un enseignant, un modèle de résilience et de dévouement. Son héritage continue de vivre en chacun de nous, ce qui l'a inspiré et formé. Que son âme repose en paix. » Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.